Page 20. Activité 1. Écoutez et dites si les phrases sont au singulier, au pluriel ou si on ne sait pas.